Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunel à l'animation. Deux heures avec vous, on est là pour deux heures pour, avec de la bonne musique rock progressif et on a un beau bloc d'abord avec le groupe italien Jetlag et ensuite le groupe américain Astra. On aura également retour en Italie avec Alpha Taurus et on finira avec Willow Glass. Willow Glass, c'est du Royaume-Uni, de l'album de Dream Harbor. On écoutera House of Cards. Ensuite, sur Alpha Taurus, leur second disque, Atto Segundo, qui est sorti 40 ans après le premier, et la pièce Gucci. On aura du groupe Astra des États-Unis, de l'album The Wedding, la pièce Ouroboros, mais tout d'abord, Jetlag de Delusione Ottica, la pièce Castelli de Rabbia. We'll be right back.

asciugherà. Terra madre, prima o poi collasserai. In faccia ha interrotto il mio volo. Ho solo lacrime. Siamo gocce nel mare dell'immensità. Il sudore sprecato delle civiltà. Siamo il sangue di un mondo. Scalda più. We'll be right back. 89.1. CKRL, Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. Avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita. J'espère que vous avez apprécié ce premier bloc musical préparé par Bruno. On avait terminé avec Willow Glass, tiré de Dream Harbor, la pièce A House of Cards. Juste avant, Alpha Taurus de l'Italie, et un album après 40 ans. Ils en avaient fait qu'un seul, donc, c'était donc Atto Segundo, le second, et la pièce Gucci. Il y avait eu Astra des États-Unis et tiré de Wording et Jet Lag. Alors, on poursuit pour une deuxième heure avec plein d'autres excellentes pièces du bon rock progressif d'aujourd'hui, avec Chinese Baird tiré de Shades of Tomorrow. Ensuite, on a Birdfish, on aura Samsara et Progression by Failure. Ça, c'est un groupe de l'Italie. Un français. OK, oui, c'est ça. C'est, ouais, alors c'est des Français, oui. Voilà. Alors, on aura The Birdfish de Mammouth. Et ensuite, de Samsara, la pièce Signata, Mystic Queens et Desperate Angels. Mais tout d'abord, Chinese Baird. Thank you. see the name scored upon stone. I carry the pain that follows. I see the ones that you have cared in the light of the new moon's hair. Let's go crowd.

was alone and it was night. I had nobody else to turn to but the voices talking to me from afar. And with endearing words so silent, they told me the secret about who you really are. A million images and words long since forgotten of events that no one ever saw. I hear a whimper as I kneel, realizing that it's your pain that I feel. The presence of the past, the future, and the present now. The voice has placed me in the minds of two young lovers, the husband in the war who's never coming home. The young girl realizing she's in. The widow, the rapist, a gold digger, the hero, and at last the voice I've heard before. In this house of worship, I'm a stone. But there's blood gushing out of the cracks and fissures. Down into its bowels. fear. Just continue to act as if I'm not here. I don't care for love or hate, and I know there is no such thing as fate. No greater power will punish your mistakes. Your lives are out of your elbow. Out of your own. Out of your own free will. Et c'est sur la musique de Homunculus Res. C'est un groupe de l'Italie, hein, que ça termine l'émission de ce soir. C'est le choix musical de Bruno, sauf la dernière petite pièce là, qui s'est insérée juste à la fin. Alors, ce qu'on avait eu, en fait, dans le bloc, il y avait eu au début Chinese Beard, qui est un projet d'un seul homme en Finlande. Un seul album paru en 2010, Shades of Tomorrow, la pièce In a Wake of the Crescent Moon. Et ça s'était terminé avec également le projet d'un seul homme de la France, Progression by Failure. C'était son premier disque. Il vient d'en sortir un l'an dernier. Et entre les deux, ben, il y avait eu Beard Fish de la Suède, tiré de Mammouth, la pièce All the Stones Said If I Could Speak. And the Stones Said If I Could Speak, voilà. Et il y avait eu également Samsara Blues Experiment, tiré de Long Distance Trip, et la pièce Signata Mystic Queen, et ben on avait terminé avec Homunculus Res. Alors voilà, c'est tout pour nous ce soir. Restez des nôtres pour l'autoroute dans quelques minutes. Stéphane Villeneuve est là pour une bonne nuit en musique. On vous souhaite une bonne semaine, à bientôt. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Tous les soirs du 7 au 17 juillet, le quartier Saint-Roch s'anime au rythme du Festival d'été de Québec. It's time for you to disappear. Éric Truffaz Quartet, Les Deluxe, The Tallest Man on Earth, Saratoga, Sofia Nolin, Anatole et bien plus. So I could stay the tallest man in your eyes, babe. Le rendez-vous idéal pour vivre la musique de près et découvrir des artistes de talent à l'Impérial Belle, au District Saint-Joseph et à l'Anti Bar et Spectacle. La programmation en salle du festival est une invitation de Groupe Voyage Québec. Programmation complète à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Belle en collaboration avec Molson Canadian. Salut, c'est Jessica Leb. Du